Ezaba kabupe perdi asalaka na ba Francis Kalombo poba ruiner Diome Ndongala. Martin Fayou na TV5 azo prévoir que ba koki ko dialoguer na président Fati. Ba mususu ba komela nga ba lobi. Oh non, alobaki ya kobimisa ba opisione ya ngo wapi? Ba mwana nyonso libanda. Na oze le susu ke shobo tunangai. Soki boko etuna Félix ke ne kobimisa ba prisonnier na Baraza. Ça ne sert à rien, je ne vais pas répondre à mais répondre chaque fois na vendredi à la grande instance pour se présenter. Si vous allez à l'école, il y a ma fille, il y a le Sacré-Cœur. Je ne vais pas répondre, est-ce que ça c'est examen? C'est que le président Diomi, ce qui a posé la moitié, aux avions, à l'époque, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Même si on a un MLC parti, quand tout le monde ensemble, mais au monde, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un porte-parole de l'opposition, baboy. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci davantage. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous font du plaisir de nous suivre, de souscrire à notre démarche, de nous donner des conseils ça et là, et de pouvoir s'abonner à notre chaîne Kadiombo TV. Merci. C'est beaucoup d'expressions d'amour. Awa, toko sora makambolelo, au Itali, deuxième partie, yaba député, toko sora makambola muka. Parce qu'il y a Léopard, déjà, boye biango, félicitations. Vie linga akozala ndenge wana. Président Félix, et sengo api lengyo api api sakina Léopard. Léopard peut apprécier l'ingé, l'ingé n'est que la population. Président Félix a vivre normalement. Le corps il faut azala. Dès que tout le monde a été aux États-Unis, au Komona, Obama a accueilli à Robeta Basket, Obama a Kobima, à Solena Batou, à Betari Maboko Boye. Simple. Mais yo, président, ça va se lever, ça yo, vous voyez, il y a président de la République. Et là, on a ce peu là qui est dans le constat au mari, na kamere, yangoana. Toujours c'est ça, tu y mais il y a ça président de la République. Merci beaucoup. Merci, président, il faut que vous ayez un parce que la moni, nous sommes là, quand vous voyez, nous allons parler avec mon bout. Après, yon de vous allez aussi bon. Et les gens wapi. Félicitations les choses parce que l'obi n'a zoé à la moutouka, vous m'excusez, n'a l'ingina kendenzela et tendance n'a katisa, on a kendenga mon ami m'a côté à n'a contourné rompongaba. N'a kouti déjà, bazo sala nzela ba dimanche, ba o sala ba kanivo ba bouka po ba tonga bang bang nzela ou même à kaba étudia ba kende université et zara kitoko. Ça, c'est l'œuvre du chef de l'État. Il ne faut pas aller loin. À venir à l'université, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de dada te ya mouyibi. Il n'y a dada ya mouyibi. Kito. Il l'a dit, il l'a fait. Bah, mon souci, comme il a dit, il a dit, oh non, alors, qui a commis ça va au prisonnier, il y a un beau appui. Bah, moi, je suis un libanda. Je suis un souci qui est un beau tout n'angaï. Ce qui vous voyez tout là, Félix a été prisonnier dans Baraza. Parce que sincèrement, prisonnier au Yahawa, Babimi. Batunion so, va féliciter. Mais ma mesure, nous sommes Zueli, Diom Ndongala, les caracoles, va fuiter, ça ne pèse pas. Il ne faut pas imiter trop bas blanc. Mais quand on passe à la guerre, il y a un impact. Ici, ça ne dit rien. Parce que ma camouane, vous avez vu que c'était monté de toutes pièces. C'est inutile, à Colobanon, à Zalakamou, si à l'école des filles, ça signifie quoi? Vous pensez que le président Diomi, ce qui a posé la moitié, aux avions, à l'époque, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. basi bazaka na Congo basho ba viola ki bango bola ki sabiso to mona ta na bango boy ezali mikolo ça ne sert à rien ba makambo soni o ale kala 500 mais avant de correspondre chaque fois na vendredi ki na kakuna na grande instance ko ko se présenter si ko tala école ya ba fille oyo ya sacre que na esika ko bana ko répondre est-ce que ça 500 mètres pour na nini ko liga ko imité biloko yo bo ko kati bo tika tambola ba fi ya ngwa mikolo ti eza makabo pe perdre a salaka na ba Francis Kalombo po ba ruiner Dieu me dongale lokola ba mesana ko sala ba plan wana ba sala ki angoli susu po ba beta kuna fachi esimite ya Dieu me pawa esimite Dieu me telema na yo tambola le ka pembeni ya bekola ba fina mona ndenge ba kwanga yo boni boyoko. Si on a posé question, à supposer que ndeko moko ya Dieu mais ça peut mener à corps. Tonto le baque azala cousin germain, ça va peut mener à corps ba fi wana a kofi wana. Dieu ba goya matanga te, o ba fi na bino bazo tambola na corps wana. Boni boy go bu, maka moko boy zo pesa kiloti. Vous laissez Dieu me circuler tranquillement. Ba tu ba sala makambo ebele, bazana parlement kuna. Bon, faut voter chaque jour. On a dit que mon longa voilà de la haie. Bah tu vas y vivre mieux na FPI. Bah ça ouana. Na moni justice en branlette. Où tu capilo quoi? Na zongi si quoi makambo etali. Président Félix. Na minute au tour le barabino azana kigali. Bon critiquer les sources. Il y a des gens qui vont écrire. Oh y a wana ke kigali au moni non. Le président Félix étant deuxième vice-président de l'Union africaine, il est le président de un pays d'Afrique centrale. Il est le patron. Parce que de côté là, dans un pays où il y a un pays, il faut y résoudre. C'est ça que vous ne connaissez pas. Demandez avant de critiquer. Agokende Congo Brazza, Agokende Gabon, Agokende Rwanda, Burundi, Agokende Tanzanie, un pays union sur l'Afrique centrale. Et ça peut dépendre de ma boucle, c'est lui qui dirige. Maintenant, tu as la maman du camp. Martin Fayou. Na TV5. Azo prévoir que ma coquille va dialoguer avec le président Fati. Martin. Na autour de moi. Fayou. Bonsoir, on a une. Tango ye a no bak na tendre men en gai na bande konanga yo so ba fayu ba ba ya to travailler to bon sa république bolobakia vous ne pouvez pas koyaba une main sale toujours rappeler yo tango bisika yo so za tambre na Congo oza koloba aza muyibi aibio ba voix aibio victoire. Bogangi, Bolobi, Naba Eve Bazaïm, que Bissot Tongo travaille tant que tenaille. Eve, patron yo, Memba, yé peke na logique moko moko. Fayoulou, aucun apporte le yenge à ma étage. Na l'okouta va pesa kiyo, bosala ki na France, pour vous tricher l'élection, va contourner bino na États-Unis. Au lobby que le président Félix est un pantin. Ce qu'on collabore dans le pantin d'Engeni. Quand on a eu Martin Fayou le lobby, Félix a décidé d'aller le côté à travailler. Le côté, c'est Kabila qui fait tout. Dès que Kabila a eu l'activité commerciale et a fait des house. Mais ce qu'on a eu le cas, c'est Félix Nini. Vous collaborez dans un Nini. On connaît ce jeu-là. Le jeu aux autres Lugandais côté ça va étranger dans le pouvoir Nabiso. Il y a aucun d'accord à la négociation. Il y a aucun d'accord à la dialogue. Il va au côté va se positionner. Va comme on dit qu'on s'engage dans un pays où et si les liawa. Non, ça n'a pas de sens. Yo tika la kaka na position na yo. Yo continue au lieu de meeting. Il y a quelque chose qu'on sait dans le sous baropé ça yo. Kende koloba vérité des yeux. Mais c'est le président Félix. batu baswani bakufu pona le kamba tata oyo fayulu soki otandre ka même facilement tu obudesevoir batu ebele tika ye aza mutu lokola batu tu soki alingi azela election ya baburgomestre akoma burgomestre mais il faut que tout le monde monte, ou ta wapi, ou ta wapi, ou ta wapi, ou ta wapi, tout ta la bakouze, banani, papa, toi, le couta, ou le vieux, oh, y'a solo, vraiment, c'est là que cessez de mentir. Maintenant, la mouka basara qui n'a réunion, basé au reporté. Bah, reporta qui réunion, wana, parce que Moïse Katumbi a boya qui kouya. Ponenge basara, wana, bah, on y en sort. Basara qui espère que la mbongo ya. Moïse Katumbi. Oya ba mususu, bazayi ko bimisa ta mukete. Et cette fois-ci, quand on va y kokuta, likambo bazo sala na réunion ya lamuka yangoyo. Ce n'est pas lisusu ya ko attaquer le président Félix, et komi ya koluka, ba longo la Fayulu, po ba moni ki Fayulu ko bobeta bango ku. Bisto to ganga ni to lobi Fayulu akomo ko recruter batu abongisa SID po SID za ki na ngote za ki kombo ka ba papier pamba yena secrétaire général leki na ngai ki toko o de vos na quelques années mu ke kaka si ko aliga sa la parti po a s'affirmer. Rappelez-vous na vidéo na biso et le kaka to la ki sa kabino ke ni neza ko le kana la muka Fayulu aza ko bongisa koma le porte-parole de l'opposition mbemba sepelite yango réunion bazosala sikoyo ya lamuka ezalaki yake balingi ba rekalifie makambo balongola lamuka comme étant plateforme électorale et comme un regroupement politique comme ça oyo akozala leader aya akoma sikoyo mbemba Fayulu mpe alingi oyo te. Yango no mona ki réunion si li penza te Fayulu akimi ba mikro ba intervenir sur akimi mais akeyi toujours aza ko luka a échappé ba ko ka ko zwa conclusion te ati kala no kona a se faire aimer par ba toyo ebele bele mususu raisonnement ma mobulu alors yembe ba se pili na ngote mbemba zo mona menga na na MLC parti munene Katumbi aza na ensemble. Mais oyo muto azangi eloko totika ye lususu aza la porte-parole ya opposition baboyi yango na siko réunion na muka ezali ya te balongo na Fayulu or Fayulu asi ya piège ebele bisika akendaka alobaka na nganji mosusu kuna atangaka mbemba te kuna atangaka Katumbi te kuna ekomi ye moko akompagne na mpangi muzito. Donc likambo na minute oyo et comme il guerre na la muka. Katumbi tawa yakite o makambo a mwana e boena boye rassurez-vous Katumbi était en déplacement au Rwanda parce qu'il y avait qui Rwanda il fallait pas que de consoler makambo tali ba énergie ya makambo ba na ni metan tout ça et qu'on préparait aussi l'arrivée ya président Félix en tant que président deuxième vice-président Afrique centrale. Et donc Moïse aussi a fait un déplacement parce que négociation à Moïse ya ko zaya ko zonga travailler avec Félix Tshisekedi. Moïse n'aime plus encore continuer à dépenser de l'argent parce que mbongo ya pesa ki basara ki nango eloko te yango bazo ko installer nango SID. Balingi ba bende ay lisusu na maloba suka ya lukuta lukuta ba zwa kaye mbongo asi a comprendre aboyi. La muka na minitoyo bazui pression à partir de Jacques Matande à lobi makambo bolingi bosala toyebi yango biso to boy donc comme difficile moi même ba continuer parce que même na zaki ko piloter réunion wana azaki koloba lokola za géant asa boya lingi a konza mais akutani na résistance ya bato makambo Fayulu basa ko sora Fayulu matungulu muzito eza ko échapper mbemba mbemba ba intention na ye bango basi ba moni yango ba obu ka babeta eku ye pe mbemba zo linga a mbemba bango na je moko boye ba beta ko ba Jacques Matanda epai bazalela banyamusi olobi te ekozala ndenge wana te bakomo kowela nani akozala patron na plateforme politique et non électorale. Moïse Katumbi pe ase amoni alobi nono je n'ai plus besoin ya batoyo balinga mbongo pamba ba vendre ga du vent baza kopeze te parce que France a abandonné bango États-Unis azalaka na bango te pays ont ceci abandonné Bango, fallu leur montrer que non, dans sa parti politique, abandonné qu'au tendre le beau pays Moko vers Fati pour que aïe a créé débat Moko, a créé dialogue Moko, et au cours duquel, a coquille, à l'issue duquel, a coquille qu'au Zoua, qu'à mon poste, on a tini par ministre, on a pas dirigé qu'on a fallu le rosalaté, de côté de ma pône à l'écabouan. Ba combattant, Oignon se yen se y dépense vos oeufs. Bon permettre le quoi. Parce que tant vous allez qu'une église na Philadelphie, beaucoup ta qui kuna, Fatia la qui sa qui yobo lingoya, qui Christou kuna, ou sabotaki. Non, ti gara na position na yo. Bande gonangai par conclusion, mbe ma koko ka opposition te oyo, papa Etienne Tshisekedi, a salaka. Plus de 36 ans. Bon, plus de 34 ans. Et ça la musique. Et ça la barre. Bakoko kate. Parce que ma message qui est mouke le beau que continue à côté la caisse à l'état. Bakoko ka jamais opposition wana. Y'a moi n'est-ce qu'on va comme aux onga. Bako tata si malisous ya Félix. Bah se retrouver. Votre condition à ma casse. Vital Kamere, réfléchir. Ma fille n'a qu'à me parler. Bonjour, comme ma casse sur ma casse. Ma pèse à la chance. Et Zali, mon maïa, mon salama, c'est quitté. Laissez ces gens retourner comme des Congolais simples. Qu'ils travaillent eux-mêmes pour arriver dans le stade de Mokomi. La Mouka, et c'est Panzani. Il n'y a plus rien. Katumbi a voyagé le Rwanda à Rwanda à Sepeli pour Nanini. Parce que pour eux, Félix a salé à Paysi. Il redevient congolais. C'est simple. C'est très simple comme calcul. En tout cas, Batu Oyo, il y a ma député, Boyo Kandenge, ma population Zakolé là. Ba tu banyo kwa mina peyoyo. Ba souffrir ba koufi ou elektio esanema. Po bo sa na etat du droit. Po bo sa la RDC comme mboka normal comme bamboka tout. Bino boye na caractère ya kopola. Ya corruption. Na koutou la robaka na batonami. Si tu vois tous les professeurs de FCC, il fallait arrêter l'université parce que pff, si déjà moutou a forma kabato. A qui n'a côté oyo bato babo mimboka bato futa e mabe bato banyokola e bona boye il est là donc là comment vous tamburate il fallait refuser d'abord ton fanda pas d'école pas d'université tout le bato moko asika ba chef de travaux mususu bon matisa bango ba sala tes bang bang ba remplacer bato e ba kendeke fcc ba pema ba mona ndenge bo bongisa mboka tina église pourquoi vous se retrouver na fcc. Pour la bombe. Il y a encore un salué proposition à ma case et à Vital Kamere. Il est mis à président de la République. Bonjour, Gassimate. Bon, qui dit sa salaire à Batouana. Bon, mon abattoir va être travaillé pour la République. C'est inconcevable, bien sûr. Il y a touché 13 000 pour que nous avons qui sont pour, qui sont contre. On a fait des lois. Quelle loi? Déjà, voilà tout ça, la voix est belle. Bon, qui sa salaire à député dans l'Assemblée nationale, ce qui a su ébeler ma casse 2 200 $. Parce que, hein, un peu député, à un salaire, le quoi, professeur à l'université. Sénat, Bobo Mango. Ça ne sert à rien. Bobo Mero Kouana. Bobo Pamba. 1 km, Yanzela, et ça n'a 1 000 000 $. Mettez le nombre à bas sénateur avec 14 000 $ fois nombre na bango fois 1 an fois 2 ans fois 3 ans fois 4 ans. Bon ça n'a pas bah venu plateau bah venu Bokassa bon ça des bobongi civil et respirer le corps la ville sauf que les gens de beaucoup autant les gens de 2 fois. C'est très bien, il faut les arrêter. Ministre affaires foncières, Nalanda Kiyo, au lobby, va tenir sur Batonga qui est dans le domaine de l'État, va vous boucler dans le bateau, il y a un bateau qui va dans le bateau, il y a un bateau qui va dans le bateau, l'État de droit, il se fait ressentir. parce qu'on a vu des gens à ce que l'on a dit soit dit soit dit à tomindako à zubarabala mobimata 3 mètres à kangisa mon repas bon ya au bouc à milokouana l'état de droit que la population respire. Ça l'air à député et à ébélé pour quelles raisons. Et si vous voulez créer aujourd'hui députation et à bien, et il y a deux sortes. D'abord, aux alamoutu à droit. Autant qu'il y a des lois, des années, des règlements, des années, des gens la constitution, ainsi de suite. Normalement, il fallait qu'on dise ça dans le c'est l'exception de la boca moussoussou. Bah, ça au moins sur 500 députés, d'abord 300. Et ça, les juristes, où il y a la moralité, la probité approuvée. Le 200 qui reste, il y a des sages dans la société, des ancrages dans la société, et Syrie avec de bonnes moralités. Parce que nous avons des députés, monsieur le président de la République, le DIRCAB, Kamere, bon revoir ma cabo Italie, bon compte à bon ça la contrôle. Nous ne touchons jamais à Zalanakati à l'Assemblée nationale. Yé, moi si n'aïe n'a pas n'a pas ça député. Non, non, non, non. Yé, mais ça va Fabien, n'a pas du Maliban, n'a pas choisi le mouvement. C'est pourquoi on ne respecte rien. Papa député, moi n'a député, moi si député, le Kamounine, bah yé pour n'a bon go. Bon yé, ça va en go, vous choisissez le mouvement, c'est terminé. On ne peut pas s'amuser jusqu'à ce point. On en a marre. Une fois de plus, félicitations au léopard. Bouffé d'oxygène et continue à kati na mona ki bengé et le gefungami. Le roi Zakatou Baba Misumike, Misokoma ki mounene. Parce que à qualifier équipe, Bakokende l'équipe Wana, Kobeta, finale, Yakan. Félicitations au léopard. Félicitations à Constant Omari. Félicitations à Vital Kamere. Félicitations à Fachi. Pardon, j'ai vu sur ma présidente de la République, na Monica Bung, na Moni Chimanga Vidé, na Essengo Anande Batubazana Bosa. Banzela Dongi Bosa Bosa la Bosidis et puis bétonnage. Y'a bien, merci beaucoup. Likamba Fayulu, Bobo Sana, Soka Lingia négocié, Aya Kotala Ba Augustin Kabouya, Asolana Bango. Président Fachi. Président Kamel, vous avez été et vous allez vous salir. Merci.